الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc cher frère Allah Azza wa Jal, on va s'attacher à finir aujourd'hui inshallah l'explication du 9e annulatif parmi les 10 annulatifs de l'islam cité dans son épître par Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Désolé tout d'abord pour le retard. Il y a un cours qui a commencé aujourd'hui avant le nôtre. Donc évidemment, ça prend un peu plus de temps pour le battement entre les deux cours à la Koulihel, plus d'autres problèmes techniques qu'on a eu. Et on va terminer donc le 9e annulatif aujourd'hui, Inch'Allah. Et il nous restera pour le cours prochain. Donc comme je vous avais dit la semaine passée, c'est soit deux cours, soit trois cours. Moi je pense, Inch'Allah, qu'on devrait s'en sortir avec un cours pour terminer le cours après celui-ci. Donc peut-être que samedi prochain on terminera le livre, Inch'Allah. Ce qui reste le 10e annulatif, l'explication est pas trop longue. Et reste le Khatima qui est la conclusion de tout le livre de Cheikh Mohammed Mazmoul qui est aussi courte. On va se mettre directement dans le bain, Inch'Allah, parce que le cours d'aujourd'hui est peut-être un peu plus long que d'habitude. Donc Cheikh Mohammed bin Omar bin Salim Bazmoul, qu'Allah le préserve, il continue son explication du 9e annulatif de la manière suivante. Et il dit, pour les frères qui ont la même édition que moi, c'est page 191, الأمر الثاني وجوب اتباع رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد أنه قد وصل إلى درجة من العلم أو درجة من اليقين يسقط فيها عنه اتباع التكاليف كمن يعتقد من الصوفية أن اليقين درجة من الدرجات إذا بلغ إليها العبد سقطت عنه التكاليف ويستدل بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فمن اعتقد ذلك فقد كفر. On va voir inshallah que veut dire le mot yaqin, certitude ici. D'accord, on va voir qu'est-ce que les ulama, ils disent par rapport à cela inshallah. هذا افضل لا عادتني يكون هذا من لاجل هذا ما يسمع كل ما ناتي به هذا يشتكينا خير شغل هذا بارك الله. On traduit déjà ce premier passage. Donc le deuxième point, on avait cité le premier point par rapport au 9e annulatif la semaine passée. Revenez au PDF numéro 23 parmi les PDF qui sont sur notre site, Inch'Allah. Le deuxième point, l'obligation de suivre le message du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quiconque croit qu'il est arrivé à un degré de science ou à un degré de certitude auquel il est exempté de suivre les obligations, comme ceux parmi les soufis, les soufites qui croient que la certitude est un degré parmi les degrés qui, si le serviteur y arrive, il est alors exempté des obligations. Et utilise comme preuve la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Vous voyez, hein, comment, si on comprend mal le Coran, et qu'on ne le comprend pas comme il faut le comprendre, à quoi on peut arriver. D'accord ? Eh bien, le Coran, il est clair, il est wadah. Pour les ulama, qui l'expliquent de manière claire, évidente, et vous allez voir comment les ulama, ils vont expliquer le mot yaqin, qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi ils l'ont expliqué de telle manière. Et que donc, cette croyance qu'ont certains soufites ou d'autres est fausse et erronée. Et on va voir que ça rentre dans le cadre du cours. Donc, il dit ici, subhanahu wa ta'ala, le verset dans la traduction du sens est, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Donc vous pouvez déjà, vous avez déjà compris comment est-ce qu'ils comprennent certains soufites, etc. C'est-à-dire que si tu as atteint la certitude, eh bien quoi ? Tu es exempté des obligations. D'accord ? C'est évidemment faux. Et le verset, il est de Sourate Al-Hijr, verset 99. Et Cheikh, il dit, écoutez bien le danger de cela, il dit, « Donc celui qui croit cela aura mécru, faqad kafar. » Puis il cite un hadith. « عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعد أهل الكتاب أو أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما واسعه إلا أن يتبعني. والحديث أخرجه أحمد في المسند، والحديث ضعفه محقق المسند مع أنهم ذكروا له طرقا يتقوى بها، فكان حقه على تخريجهم أن يكون حسنا لغيره، وهذا ما صنعه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، فقد حسنه لغيره. Ici le Cheikh Mohamed Bazmoul cite un hadith, et le hadith c'est d'après Jabir ibn Abdillah qu'Allah les agrée tous deux, que Omar ibn al-Khattab est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un livre qui lui est arrivé de chez certains parmi les gens du livre ou les gens des livres, et l'a lu au prophète alayhi salatu wa sallam, qui fut en colère et dit: êtes-vous dans le doute à son sujet, ô ibn al-Khattab? Par celui qui détient mon âme dans sa main, je suis venu à vous avec une voix blanche et pure. Ne les questionnez pas au sujet d'une chose au sujet de laquelle ils vous diront vrai et vous le déniez, ou ils diront ce qui est faux et vous le croiriez. Donc, vous le dénieriez et ils diront ce qui est faux et vous le croiriez. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si Moïse était vivant, il ne lui serait permis que de me suivre. D'accord ? Vous voyez pourquoi il a utilisé cette preuve ici ? C'est sur l'obligation de suivre le prophète alayhi salam et l'interdiction de sortir de sa législation alayhi salat wa salam. Pour un point ici par rapport au sanad du hadith, le hadith il est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmad. Je vous ai mis des références par rapport aux différentes éditions à la kulli hal, et le hadith il a été jugé faible par les vérificateurs du musnad, alors qu'ils ont cité d'autres voies de ce hadith par lesquelles il se renforce. On ne va pas entrer dans le moussar al-hadith, mais il arrive qu'un hadith soit faible, la chaîne de transmission soit faible, mais qu'il se renforce par d'autres chaînes de transmission. Il y a des conditions que les ulama ont mis, d'accord, hein? C'est qu'ils ne sont pas chadis de ba'af, et qu'il n'y a pas par exemple un menteur, etc. Mais il peut se monter en degré par et se renforcer par d'autres voies et par d'autres chaînes de transmission. Et d'ailleurs il dit: il se renforce, et donc ce hadith est en droit, quant à leur vérification, qu'il soit jugé hasan li ghayrihi. Le hasan li ghayrihi, c'est quel niveau ça dans le hadith sahih? Qui c'est? C'est le plus bas. D'accord? C'est le plus bas niveau dans les hadiths qui sont acceptés, qui sont authentiques. C'est le hadith hasan li ghayrihi. Et c'est ce qu'a fait l'Albani rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, justement, qui lui, cher l'Albani rahimahullah, en raison de ses chaînes de transmission, qu'il renforce, a jugé le hadith comme étant hasan li ghayrihi dans Irwa al-Ghalil, volume 6, page 34, pour les frères qui veulent savoir plus au niveau des chaînes de transmission et pourquoi cher l'Albani est arrivé à ce jugement-là, qu'ils reviennent au volume 6, page 34 de cher l'Albani Irwa al-Ghalil. On avait déjà dit c'était quoi Irwa al-Ghalil, vous souvenez? Hein? Fi tahrij ahadith manar السبيل. Après le cheikh il rapporte un autre hadith, il dit: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث متفق عليه. Donc, Cheikh, il dit, et d'après Abu Huraira, qu'à l'allégré que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. Ils dirent, ô messager d'Allah, et qui refuse? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit aura certes refusé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est donc un hadith qu'on appelle Muttafaqun alayh. Et Cheikh, il continue l'explication, il dit, فَلَا يَسَعُ أَحَدٌ خُرُوجُ عَنِ الشَّرْعِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وهؤلاء الذين يعتقدون أن هناك مرتبة اليقين من بلغها سقطت عنه التكاليف يثبتون لأنفسهم بلوغ مرتبة لم يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم والمراد باليقين في الآية هو الموت. Donc retenez ça, inshallah, que le verset 99 de sourate Al-Hijr, eh bien, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Qu'est-ce que ça veut dire الْيَقِينَ? C'est الْمَوْت, la mort. C'est-à-dire que tu adores ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Ça ne veut pas dire que tu adores ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, et que si tu atteins la certitude, eh bien tu arrêtes d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, le Cheikh ici, وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينَ فِي الْآيَةِ هُوَ الْمَوْتِ كَمَا قَالَ تَعَالَى Écoutez, regardez, les ulama, comme ils font ce qu'on appelle, ils expliquent des textes par d'autres textes. Regardez l'ilm. L'ilm des gens de la sunna. Il dit le cheikh, wa kunna nukadhibu bi yawmi ad-din hatta atana al-yaqin. Vous avez compris maintenant? Quelqu'un te dit qu'est-ce que ça veut dire l'yaqin dans le verset surat al-Hijr? Tu dis le maut et tu dis ce dalil-là de surat al-Mudathir. Hein, que je pense majorité d'entre nous mémorise, inshallah. Wa kunna nukadhibu yawmi ad-din hatta atana al-yaqin. Wa ma'na al-aya, ubud rabbaka hatta ya'tiyaka al-maut. D'accord? Wallahu subhanahu wa ta'ala amara an la ya'tiya ahadan al-maut illa wa huwa 'ala al-islam. Qala Allah tabarak wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs un verset qu'on cite dans Khutbat al-Haja. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Donc ça c'est un dalil par lequel tu peux le réfuter aussi. Wa ma'na al-aya la ya'tiikum al-maut illa wa antum 'ala al-islam. فالله ينهى المسلم أن يخالف شرع الله ويأمره بأن يلتزم به حتى يأتيه اليقين أي حتى يأتيه الموت وهذا دين الأنبياء قال تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالشرع يأمر المسلم أن لا يأتيه الموت إلا هو على الإسلام. Qu'est-ce que ça veut dire ici la parole du Cheikh Mohamed Bazmoul, حفظه الله تعالى. Et donc, il n'est permis à personne de sortir de la législation avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui peut me dire comment cette phrase-là, elle est liée au naqid qu'on est en train de voir? Que c'était quoi le naqid? Man? Je parle de cette phrase ici. Hein. Et donc, il n'est permis à personne de sortir de la législation avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Or, le naqid, c'est quoi justement? C'est qu'on est en train de voir ici? Man? من يعتقد أن بعض الناس يسعون خروج من دين من دين الرسول. أيوة. كل كوني باركير. كوني. فازي تفضل. من اعتقد أن بعض الناس يسعون الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر عن شريعة موسى. الخروج. كما وسع الخد الخروج عن شريعتي موسى عليه السلام. ايوه احسنت. دونك ici c'est quoi le naqid en français? C'est quiconque croit qu'il peut sortir de la situation de qui? De Mohammed صلى الله عليه وسلم comme il fut permis ou comme il a comme on l'avait traduit dans le, on va le retraduire de toute façon dans un instant inchallah par rapport à Khadir avec Moussa. On va réfuter tout ça aujourd'hui inchallah. D'accord, on va voir que déjà Khadir ne faisait pas partie du peuple de Moussa alayhi salam. Alors que Moussa alayhi salam, il est venu à spécifiquement à son peuple à lui. Et aussi que Khadir, c'est un prophète. D'accord, on va voir tout ça. On va voir les versets du surat al-Kahf. Hein, où est l'histoire entre qui et qui? Moussa et Khadir. On va voir un peu en détail parce qu'il y a un hadith qui en fait relate qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi d'ailleurs il s'appelle Al-Khadir. On va voir tout ça, Inch'Allah. D'accord? C'est juste pour que vous gardiez le fil. Vous avez compris cette phrase par rapport au naqid? C'est, et donc il n'est permis à personne de sortir de la législation avec laquelle est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui croient qu'il y a un degré de certitude, et ça revient à ce que tu disais, qui celui qui l'atteint sera exempt des obligations, affirment pour eux-mêmes qu'ils sont arrivés à un degré auquel n'est pas arrivé le messager sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. D'accord? Ça c'est une autre réfutation. D'accord? Et le sens de certitude dans le verset, vous pouvez tous répondre, c'est quoi? Yaqin, c'est? Al-Maut, hein, la certitude, c'est la mort. Comme Allah a dit, selon la traduction du sens est, et nous traitions de mensonge le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vint, hein, al-yaqin, c'est quoi ici? La vérité évidente, c'est-à-dire la mort. Hatta atana al-yaqin. Surat al-Mudathir, versets 46 et 47. Et le sens du verset, donc, de adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. C'est ça le sens du verset. D'accord? Adore ton Seigneur, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. La certitude, c'est la mort. Ça, c'est bien compris. Et Allah, le Très-Haut, nous a ordonné que lorsque la mort nous vient, nous soyons sur l'islam. Et le Cheikh, il cite un verset comme preuve, que vous connaissez peut-être tous, d'accord? Dans Khutbat al-Haja, je pense que tout le monde connaît Khutbat al-Haja. Hein? Surtout peut-être les frères qui... hein, qui vont peut-être bientôt l'espra se marier, se présenter, peut-être qu'ils essaient de la mémoriser, etc. Hein? D'accord? C'est quoi? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Surat Ali Imran, verset 102. Et le sens du verset, que la mort ne vous vienne qu'alors que vous êtes sur l'islam. Allah interdit donc aux musulmans de transgresser la religion d'Allah. Elle lui ordonne de s'y attacher jusqu'à ce que lui vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Et ceci est la religion des prophètes. Alayhi salatu wassalam. Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens, vous voyez, les gens de la Sunna, ils rapportent un point, dalil, regardez comment les stylent l'al ici, il dit, et ceci la religion des prophètes, quelle est la preuve de cela? Eh bien, la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, et c'est ce que Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob, ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point, donc, autrement qu'en soumis à Allah. Surat al-Baqara, verset 132. La législation ordonne donc aux musulmans que lorsque la mort vient à lui, il ne soit que sur l'islam. Et plusieurs choses résultent de cela. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أُمُورٌ مِنْهَا بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنْ هَذِهِ الشَّرَائِعَ الَّتِي جَاءَ بِهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ عِلْمُ الظَّاهِرِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى عُمُومِ النَّاسِ أَنْ يَعْلَمُوهُ أَمَّا عِلْمُ الْبَاطِنِ فَهَذَا لَيَكُونُ إِلَّا لِلْخَاصَّةِ وَهَذَا شَيْءٌ خِلَافَ أو خلاف علم الظاهر ففي علم الخاصة ليس التوحيد هو التوحيد ولا الصلاة هي الصلاة ولا الزكاة هي الزكاة ولا الحج هو الحج وهكذا سائر أمور الشرع وعلم الخاصة هو العلم المظنون به على غير أهله زعموا فيجعلون محل تكليف العوام الظاهر أما الخواص فلهم من العلم ما هو خاص بهم دون غيرهم وهذا كفر فلا يسع أحد الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم. Et donc plusieurs choses résultent de cela. Donc maintenant on va voir plusieurs points qui résultent de ce qu'on vient de dire. Mais parmi elles, la fausseté de la parole de ceux qui disent que ces législations avec lesquelles est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont la science de ce qui est apparent, ilm al-zahir, qui est obligatoire à la masse des gens de connaître. C'est-à-dire que cette science qui est zahira, qui est apparente, ça c'est pour la masse des gens. Et donc c'est pas pour une élite. Quant à la science de ce qui est caché, al-batin, ça doit vous rappeler le mot d'une secte. Cela, ils disent que quant à la science pardon, de ce qui est caché, cela n'est que pour l'élite. Et cela est autre chose que la science de ce qui est apparent. Car dans la science de l'élite, l'unicité n'est pas l'unicité. Et la prière n'est pas la prière. Et la zakat n'est pas la zakat. Et le pèlerinage n'est pas le pèlerinage. Et ainsi de suite pour toutes les affaires de la religion. Et la science de l'élite est la science que l'on épargne à autre que ces gens comme ils le prétendent. Et donc ils disent que les obligations des gens de la masse sont ce qui est apparent. Quant à l'élite, ils ont en termes de science ce qui leur est spécifique à eux seuls et pas à d'autres qu'eux. Et cela est une mécréance. Pourquoi? C'est une manière de quoi de sortir? Hein? De? Non. Vous comprenez pourquoi ils disent ça ici? Et donc, il n'est permis à personne de sortir de sa législation, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi elles, un autre point, minha, anna man khalafa tariqata ahli sunnati wal jama'ati fi mazdar al-talaqi, fa inna al-ma'loum anna ahli sunnati wal jama'ati mazdar al-talaqi indahum al-kitabu wa sunnatu bina'an ala fahmi salaf al-salih, yukhsha alayhi an yaqa'a fil khuruji an shar'i alladhi ballagahu al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. فمن لم يلتفت إلى نصوص الوحي وقال علمكم ميت عن ميت أما علمنا عن الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي فهذا أخرج نفسه عن الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فنعتقد أن هذا يسعه فقد كفر. Des gens qui disent ça, hein, علمكم ميت عن ميت أما علمنا عن الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي. Donc, Cheikh dit ici parmi elles que quiconque transgresse la voix des gens de la sunna du consensus dans les sources dans lesquelles ils prennent la religion, ce qu'on appelle masdar al-talaqi ou masadir al-talaqi, il est connu que les sources dans lesquelles les gens de la sunna du consensus prennent la religion et pour eux, tout salafis, il est capable de répondre à cela, c'est le Coran et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. On craint pour lui qu'il tombe dans le fait de sortir de la législation qu'a transmise le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quiconque ne s'est pas tourné vers les textes de la révélation et a dit, votre science est de rapporter d'un mort qui rapporte d'un mort. Quant à notre science, nous la prenons du vivant qui ne meurt jamais. Mon cœur m'a rapporté de mon Seigneur. Celui-ci se sera lui-même sorti de la législation avec laquelle est venu le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et s'il croit que cela lui est permis, il aura alors certes mécru. Faqad kafar. الشيخ دي وهذا الناقد يبين خطر هذه المقالات وغيرها كمن يقول بوحدة الأديان لأن مصلحته أو عفوا محصلته الخروج عن شرع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم اعتقاد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة ويدلكم على ما أقول أن من أصحاب يد الدعوة من يلفق صلاة من مجموع الأديان فهذا كفر لأنه اعتقاد أنه يسعه الخروج عن الشريعة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول للسود فقط ومن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول البيض وإنه سيأتي رسول للسود خاصة وكذا من اعتقد من أهل الكتاب أنه صلى الله عليه وسلم نبي مرسل وذا الإسلام دين حق وأن القرآن كلام الله ولكن اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي للعرب خاصة فهو نبي الأميين فكل من اعتقد أنه يسع الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. Donc Cheikh il dit, et cet annulatif montre le danger de ces paroles et d'autres paroles comme ceux qui parlent de l'unité des religions. Car le résultat de cela est de sortir de la législation du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas croire en l'universalité de son message sallallahu alayhi wa sallam à tous les gens. Et ceci, ce qui indique ce que je dis, c'est que certains parmi ceux qui appellent à cela inventent une prière à partir de toutes les religions. Et cela est une mécréance. Car c'est croire qu'il lui est permis de sortir de la législation que nous a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme ceux qui disent que le messager sallallahu alayhi wa sallam est un messager uniquement pour les noirs. Ou ceux qui croient que le messager sallallahu alayhi wa sallam est le messager des blancs. Et qu'un messager va arriver pour les noirs de manière spécifique. Et de même, pour ceux qui croient, parmi les gens du livre, qu'il sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, envoyé, et que l'islam est une religion de vérité, et que le Coran est la parole d'Allah, mais croient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète pour les arabes de manière spécifique, et qu'il est le prophète des illettrés. Et donc, quiconque croit qu'il lui est permis de sortir de la législation du messager sallallahu alayhi wa sallam aura certes mécru. وكذا من يعتقد أن الإسلام لا يصلح لزماننا ويعتقد أنه يسع الخروج عن تعاليم الإسلام وكذا من يعتقد أن شريعة الإسلام فقط خاصة بجانب من الحياة دون جانب مثل عقيدة العلمانيين الذين يقولون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر وأن الإسلام دين في المسجد وما في الشارع وفي السوق وفي الأسرة وفي المجتمع أنظمة وقوانين لا دخل للإسلام فيها ولا داعي للرجوع إليه ومعنى ذلك أنه يسع الخروج عن الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخروج من المسجد وهذا كفر. Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il continue en disant « Et de même, pour quiconque croit que l'islam ne convient pas à notre époque et croit qu'il lui est permis de sortir des enseignements de l'islam, et de même pour ceux qui croient que la législation de l'islam n'est que spécifique pour un aspect de la vie et pas pour un autre aspect, à l'exemple de la croyance des laïcs qui disent « Laisse à Allah ce qui appartient à Allah et ce qui appartient à César, ou à Qaïsar, à Qaïsar. Et que la religion de l'islam est à la mosquée, quand on est dans la rue et au marché et au sein de la famille. Et dans la société, il y a des institutions et des lois dans lesquelles l'islam n'a rien à voir. Il n'y a aucune raison de revenir à l'islam. Et le sens de cela est qu'il est permis de sortir de la législation avec laquelle est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on sort de la mosquée, et cela est une mécréance. وكذا من يعتقد بولاية الفقيه وأن الفقيه والولي من آل البيت له اتصال بالله ويأتي بوحي وتشريع وأحكام من عنده غير ما جاء في الكتاب والسنة فإنه بذلك اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة الله سبحانه وتعالى فيكون قد أتى في هذا بناقد من نواقد الإسلام. وكذا من اعتقد أنه غير ملزم بما ثبت من الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يكتفي بالقرآن الكريم. كل هؤلاء داخلون تحت هذا الناقض، فإذا أقيمت عليهم الحجة وثبتت في حقهم الشروط وانتفت عنهم الموانع حكم بكفر أعيانهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc Cheikh حفظه الله il dit, et de même pour celui qui croit en la wilaya du faqih, et que le faqih est wali parmi Al-Bayt, et que le faqih est wali parmi Al-Bayt, a un contact avec Allah et vient avec une révélation et des législations et des jugements venant de lui-même, et autre que ce qui s'y trouve, dans le Coran et la Sunna, car par cela il croit qu'il lui est permis de sortir de la législation d'Allah, et donc aura commis par cela l'un des annulatifs parmi les annulatifs de l'islam. Et de même pour celui qui croit qu'il n'est pas obligé d'accepter ce qui a été établi de manière authentique dans les narrations authentiques rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il se suffit du noble Qur'an. Tout cela entre sous cet annulatif. Et donc si la preuve leur est établie, toujours cette notion d'iqamat al-hujjah, de tawafur al-shurut ou intifa' al-mawani', qu'on avait vu dans les 15 règles du takfir qu'on a fait au tout début de ce livre. Tout cela entre sous cet annulatif. Et donc si la preuve leur est établie et que les conditions sont réunies à leur sujet et que les barrières sont levées à leur sujet, ils sont jugés mécréants de manière spécifique. Et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. والشيطان يخدع الإنسان ويتلاعب به ويوقعه في أمور فيها هلاكه وكم العباد والجهال من غره الشيطان وأخرجه عن الشرع وزين له أنه يسوغ له الخروج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله. وجدت خدوع cette partie puis on traduira la parole d'Ibn Taymiyyah parce qu'elle est un peu longue. Il dit le shaykh, et Satan, Shaytan, dupe l'être humain et se joue de lui et le fait tomber dans des choses dans lesquelles se trouve sa perte. Et combien parmi les adorateurs et les ignorants ont été dupés par Satan et sortis de la législation, et il leur a embelli le fait qu'il leur ait permis de sortir de ceux avec lesquels le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu. Ibn Taymiyyah qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit: فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فكيف من هو دون الأنبياء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال، ومن أعظمها الصلاة والجهاد. وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه وتعالى بما نصر به الأنبياء. وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فيما شرعه لأمته، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم، فإن هذا تتلعب به الشياطين. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومنها أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى يبين له الحال، ومنها أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان؟ ويقسم عليه بالأقسام المعظمة ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين. Traduire cette première partie déjà de la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Si les démons viennent, écoutez bien ce qu'il va dire le cheikh ici. Si les démons viennent au prophète alayhi salatu wassalam afin de leur causer du tort et de leur corrompre leur adoration, et qu'Allah le Très-Haut les repousse parce qu'il soutient les prophètes en termes de supplication et d'invocation et d'adoration et de jihad par la main, de combat par la main, qu'en est-il alors de ceux qui sont moindres que les prophètes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maté les démons parmi les êtres humains et les djinns par ceux avec lesquels Allah le Très-Haut l'a soutenu en termes de type de science et d'action, et parmi les plus importantes c'est la prière et le jihad. Et le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont au sujet de la prière et du jihad, et donc quiconque suit les prophètes alayhi salatu wa sallam, Allah l'aidera au moyen de ceux avec lesquels il a aidé les prophètes. Quant à celui qui a innové une religion qu'ils n'ont pas légiférée, donc à délaisser ce qu'ils ont ordonné en termes d'adoration exclusive d'Allah, sans rien lui associer, et de suivre de son prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce qu'il a légiféré pour sa communauté, et il a innové l'exagération envers les prophètes et les vertueux, et le fait de les associer à Allah, celui-là, les démons se jouent de lui. Allah, le Très-Haut, dit, c'est dans la traduction du sens est, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Sourate Nahl, versets 99 et 100. Et Allah, le Très-Haut, dit, c'est dans la traduction du sens est, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Sourate Al-Hijr, verset 42. Et parmi eux, les moyens, c'est-à-dire les moyens, que celui qui voit cela invoque son Seigneur afin qu'il lui clarifie la situation. Et parmi eux, c'est-à-dire les moyens, qu'il dise à cet individu-là, es-tu un tel? Vous allez mieux comprendre ce qu'il veut dire le shirk. Il va donner un exemple, comment Shaitan, il a trompé 70 hommes, et qu'il est venu chez un shirk, et que le shirk ne s'est pas laissé avoir justement. D'accord? On va voir ça dans un instant, Inch'Allah. Et qu'il jure à ce sujet par des serments appuyés, et qu'il lui récite ce qu'on appelle Qawari al-Qur'an, c'est-à-dire les sourates du Coran qui repoussent les démons. Et d'autres moyens qui font mal aux démons. Et Cheikh il dit: وَهَذَا كَمَا أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعُبَّادِ يَرَى الْكَعْبَةَ تَطُوفُ بِهِ وَيَرَى عَرْشًا عَظِيمًا وَعَلَيْهِ سُورَةٌ عَظِيمَةٌ وَيَرَى أَشْخَاصًا تَصْعَدُ وَتَنْزِلُ. فَيَظُنُّهَا الْمَلَائِكَةُ وَيَظُنُّ أَنَّ تِلْكَ السُّورَةَ هِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَيَكُونُ ذَلِكَ شَيْطَانًا. وَقَدْ جَرَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة حيث قال: كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور فقال لي: يا عبد القادر أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قال فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله. قال فتمزق ذلك النور وصار ظلمة وقال: يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك، لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا. فقيل له: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي حللت لك ما حرمت على غيرك، حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل، ولأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا. Donc ici, Cheikh dit, et ceci est comme beaucoup d'adorateurs qui voient la Kaaba tourner autour d'eux et voient un immense trône sur lequel il y a une immense image et voient des gens qui montent et descendent et pensent que ce sont des anges et pensent que cette image est Allah, exalté soit-il, mais en fait c'est un démon. Et ceci est arrivé à plus d'un parmi les gens. Parmi eux, il y a celui qu'Allah a préservé et qui a su que c'était Satan, comme Cheikh Abdul Qadir dans son célèbre récit, lorsqu'il a dit: j'étais une fois en adoration, et j'ai vu un immense trône sur lequel il y avait une lumière, et elle m'a dit: oh Abdul Qadir, je suis ton Seigneur, et je te rends licite ce que j'ai rendu illicite à autre que toi. Il dit, je lui dis alors, parce que Shaitan, il n'aime pas cette parole, il ne sait pas dire cette parole: tu es Allah, nulle divinité n'est en droit d'être adorée par lui. D'accord? Et après il lui a dit: éloigne-toi, ô ennemi d'Allah. Parce qu'il a compris que c'était qui? Que c'était Shaitan. Et alors la lumière se déchira et devint obscurité. Et il dit: oh Abdul Qadir, tu as été sauvé de moi par ta compréhension dans ta religion et ta science et tes combats dans tes situations. J'ai certes éprouvé par ce récit 70 hommes. Il fut alors dit: comment as-tu su que c'était Satan? Il répondit en disant: lorsqu'il m'a dit, je te rends licite ce que j'ai rendu illicite à autre que toi. Et je sais que la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'abroge pas et n'est pas changée. Regardez le fiqh, l'ilm. Et car il a dit, je suis ton Seigneur. Et il n'a pas su dire, il n'a pas pu dire, je suis Allah, nulle divinité n'est adorée avec vérité à part moi. D'accord? Et Cheikh, il continue en disant: ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة ومستندهم ما شاهدوه وهم صادقون فيما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا لأن كثيرا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان وكثير منهم رأى ما من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخادر وكان شيطانا انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. Il dit, et parmi ceux-là, certains ont cru que celui qui était vu était Allah. Et donc ils ont commencé à croire, ainsi que leurs compagnons, qu'ils voyaient Allah le Très-Haut, en éveil. Et leur preuve était ce qu'ils avaient vu. Ils étaient véridiques dans ce qu'ils informaient, mais ne savaient pas que c'était Satan. Mais ceci est arrivé à beaucoup de groupes d'ignorants parmi les adorateurs, dont l'un d'entre eux pense qu'il voit Allah le Très-Haut. Il a dit, bi'aynihi ici. Moi je pense qu'il a voulu dire de son propre œil dans ce bas monde, car beaucoup d'entre eux ont vu ce qu'ils pensent être Allah alors que c'est Satan. Et beaucoup d'entre eux ont vu ce qu'ils pensent être un prophète, ou un homme vertueux, ou Al-Khadir alors que c'est un démon. C'est la fin de la de citation de la parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' Al-Fatawa, volume 1, page 171-172. في الشيخ محمد بزمول يكونتينيون ديزان المصنف جاء بكلام عام ثم خصصه يقول المصنف من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخادر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. Et l'auteur, c'est-à-dire Cheikh l'Islam Mohamed bin Abdelhab رحمه الله, a d'abord dit une parole générale puis l'a spécifié. Pourquoi? L'auteur a dit, quiconque croit que certaines gens peuvent sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis l'a spécifié, comme Al-Khadir a pu sortir de la législation de Moussa alayhi wa sallam, est alors un mécréant. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Mohammed Bazmoul, aqoul, Al-Khadir est un abdoun salih. L'uqiba bil-Khadir, lima dhakarahu lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fima ja'an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maqal, innama summi Al-Khadira, أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء رواه البخاري رحمه الله. Al-Khadir est un serviteur vertueux qui fut surnommé Al-Khadir en raison de ce que nous a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a été appelé Al-Khadir qu'en raison du fait qu'il s'est assis sur une farwa blanche et la voici qui pousse derrière lui verte. Alors c'est quoi ce terme farwa? Cheikh Al-Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, il dit dans son explication de Kitab al-Tafsir de Sunan al-Tirmidhi, cassette 342, que les savants ont dit que c'est soit une terre avec de la végétation blanche, d'accord, Ushbun abyad, comme l'a dit Cheikh Al-Muhsin al-Abbad, qui est alors devenue verte. C'est parce que le fait que le Khadir soit assis là, elle est devenue verte. Ou une terre sèche qui est devenue verte, d'accord. C'est ça le terme farwa, comme l'a expliqué Cheikh Abdul Mahsin al-Abbad. Je vous ai mis le lien où vous pouvez écouter l'audio du Cheikh. On continue. Wa qissatu al-Khadir ma'a Musa alayhi salam ja'a bayanuha 'an ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam 'an Sa'id ibn Jubayr qala qultu li ibn Abbas inna Nawfan al-Bakari yaz'umu anna Musa laysa bi Musa bani Israil innama huwa Musa akhar fa qala kadhaba 'aduwullah. Voilà, c'est 'aduwullah. Qu'est-ce qu'il a venir Ibn Abbas par rapport à Nawf al-Bakali? C'est Zajr, c'est une parole de réprimande en fait qu'il a dit, comme l'a dit Cheikh Mohsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala. Haddathana Ubayy ibn Ka'b an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala qama Musa an-Nabi khatiban fi bani Israil fa su'ila ayu an-nas a'lam fa qala ana a'lam fa ataba Allah alayhi idhan lam yurad al-'ilma ilayhi fa awha Allah ilayhi anna 'abdan min 'ibadi. Qu'est-ce que vous préférez les frères, que je lise tout en arabe mais les longs le hadith, et que je lise tout après en français? Ouais. Et que je fasse partie par partie. Qu'est-ce que vous préférez? Tout? Tout en arabe. Anna abdan min ibadi bi majma' al-bahrayn huwa a'lamu mink. Qala ya rabbi wa kayfa bih? Fa qila lahu ihmil huta fi miktal fa idha faqadtahu fa huwa tham fantalaq. Wa antalaq bi fatahu yusha' ibn Nun hamala wa hamala hutan fi miktal حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما فانسل الحوت في من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سرابا. سنغبل كواسة ديجا عن بخسر سورة الكهف. وكان لموسى وكان لموسى وفاته عجبا فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فلما انتهينا إلى الصخرة إذا رجل مسجن بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام فقال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخاضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور نول إسيس أزرة فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده الخضر إلى ديكابيتي لانفان شيخ المحسن العباد إلى غابور إديك يا جمع إيسي سيك إلى كومنس أفيك الكتوب إلى فيني أفيك سامان أفا داكور كلا غتير لا تد لانفان سيدير كلا توي لانفان فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت علي أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما ولا لفن جو حديث متفق عليه رابورتي بار البخاري ومسلم. Vous êtes prêts pour le français maintenant? Bismillah. Donc ici le cheikh il dit et le récit d'Al-Khadir avec Moussa a.s. a été clarifié par le messager d'Allah s.a.w. comme cela a été rapporté par Saïd ibn Jubair qui a dit j'ai dit à Ibn Abbas Nawf al-Bakali prétend que Moussa n'est pas le Moussa des fils d'Israël mais que c'est un autre Moussa. Donc pour quelqu'un qui était attentif dans le hadith, ça a déjà été répondu dans le hadith même. Ce qu'il lui a dit Moussa bani Israël, il lui a dit Naham. Donc, Nawf al-Bakali prétend que Moussa n'est pas le Moussa des fils d'Israël, mais que c'est un autre Moussa. On ne va pas entrer dans les détails, Cheikh Masal Abad il a expliqué pourquoi Nawf al-Bakali il a dit ça. Hein? Il, c'est-à-dire Ibn Abbas, dit alors, il a menti cet ennemi d'Allah. Et attention ici, cette parole est à comprendre comment. Cheikh Masal Abad, dans la source précédente, Kitab Tafsir de Sunan Tirmidhi, cassette 342, il dit que c'est le sens de cela que c'est une réprimande, Zajr. Le Muradu bihi Zajr. Ubay Mouka nous a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Moussa le prophète a fait un serment au sein des fils d'Israël et il fut questionné qui est le plus savant parmi les gens. Il répondit je suis le plus savant et Allah donc le blâma car il n'avait pas renvoyé la science à lui. L'ulama c'est à dire qu'il n'a pas dit Ana wallahu a'lam. Et donc Allah lui révéla qu'un serviteur parmi mes serviteurs au confluent des deux mers est plus savant que toi. Alors maintenant question, est-ce que ça veut dire que le Khadir est le plus savant que Moussa en tout? Non. Pourquoi tu dis non? Comment tu sais? Il le dit où? Enseigne-moi une science que ton serviteur avait. C'est une science qu'il t'a pas enseignée. Hassan, c'est dans le hadith même. Cheikh Mohsen Al-Abbad il dit ça. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Mohsen Al-Abbad, Hafidhahullah? Il dit que ça ne veut pas dire qu'il était plus savant que lui, de manière absolue, mais plutôt qu'Al-Khadir savait des choses que Moussa ne savait pas. Comme Moussa savait des choses qu'Al-Khadir ne savait pas. Il dit, oh mon Seigneur, comment arriverai-je à lui? Dans le livre du hadith ici, il a dit, kayfa bih, ça? Si on revient en arrière ici. Kayfa bih. Ya Rabbi kayf wa kayf bih. Cheikh Al-Masih Al-Abad a dit kayf asilu ilayh. C'est ça que ça veut dire. Hein? Comment arriver à lui? Il lui fit dit, porte un quoi? Hout. Les ulama ont dit samaka al-maliha. C'est-à-dire quoi? C'est un poisson salé. Cheikh Al-Masih Al-Abad il dit que cela indique qu'il était salé ce poisson et que donc il n'était pas vivant. D'ailleurs, plus tard, on va voir dans les, pour les frères qui connaissent le verset ou qui ont déjà vu ce hadith, eh bien, c'est qu'à un moment, le poisson il va sortir du kaba qu'ils avaient avec eux, c'est ça le mektal, le kaba ou le panier si vous voulez, ou, hein, le kaba qui va sortir et qui va aller dans l'eau et qui va, il sera vivant et qui va, il va, le poisson va nager. Et que donc, Moussa et son compagnon qui est Yusha ibn Nun seront quoi? Ajaba, ils seront étonnés. D'accord? Oui ou non? Ça vous revient un peu les versets sur le cas vous... hein? Donc il lui fut dit, porte un poisson salé. On avait dit que c'est un poisson qui, ça a dit qu'il était mort, qu'il était mis dans du sel parce qu'il était mort. Dans un kaba, et lorsque tu le perdras, il sera à cet endroit. Qui il sera à cet endroit? Al-Khadr. Il partit donc. Et il partit avec son jeune compagnon et valet, Yusha ibn Nun. Les certains ulama, ils ont dit dans le Sharh du Hadith, Sahibuhu wa Khadimuhu, qui était plus jeune que lui. D'accord? D'ailleurs, plus tard, le livre du Hadith, il va toujours rapporter un duel en arabe. Yamshiyani. Or que Yusha, il était toujours avec lui. Cheikh Masih Al-Abad, il dit qu'en fait, Yusha, il suivait Moussa, c'est pour ça qu'il n'a pas été cité. D'accord? Donc, il partit avec son jeune compagnon et valet Yusha ibn Nun. Et ils portèrent un poisson salé dans un kaba jusqu'ils arrivèrent à un rocher. Et ils posèrent leur tête et dormirent. Et donc le poisson salé s'enfuit du kaba et prit alors son chemin librement dans la mer. Et Moussa et son jeune compagnon furent étonnés de cela. Et donc ils partirent le reste de leur nuit à tous deux, ainsi que leur journée à tous deux. Et le matin, Moussa dit à son jeune compagnon, apporte-nous notre déjeuner. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous situez un peu là. Ils sont arrivés à un rocher, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé au rocher? Ils ont posé leur tête, ils sont endormis. Qu'est-ce que le poisson il a fait? Il est sorti du kaba, il s'est mis à dans l'eau et il est parti, d'accord. Mais après, ils ont continué. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que Moussa alayhi salam dit à Yusha ibn Nun? Ils lui disent, apporte-nous notre déjeuner, nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. Et Moussa alayhi salam n'avait pas senti de fatigue jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il lui avait ordonné d'aller. C'est quel endroit? L'endroit où le poisson? Non. Vous comprenez ou pas? Cheikh Masih Al-Abad, il dit d'ailleurs qu'ils vont revenir sur leur pas, ils vont retrouver le chemin via leur pas, et ils vont revenir à cet endroit-là en fait. Et qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Shaitan, dans le verset l'éclair dans Surat Al-Kahf, qui a fait oublier aux jeunes qui étaient avec. Non. Moussa n'avait pas senti de fatigue jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il avait été ordonné d'aller. Et donc son jeune compagnon lui dit, quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson et le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. Moussa dit, voilà ce que nous cherchions. Puis ils retournèrent sur leurs pas suivant leurs traces. C'est quoi le verset? Et donc, lorsqu'ils arrivèrent au rocher, ils y trouvèrent un homme enveloppé d'un tissu. Moussa Jabithaoubin. Où il a dit qu'il s'est enveloppé de son tissu. Alors, il faut faire un point par rapport à ça ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une riwaya dans le Bukhari qui dit qu'il avait placé l'extrémité de son tissu en dessous de ses pieds. Et l'autre extrémité sous sa tête. Et dans une autre version, qu'il était dos au sol, couché, le visage vers le ciel. En apparence, c'est-à-dire comme un mort, comme quelqu'un qui est mort. Mais qui est enveloppé de, d'un linceul, d'accord, al-mukaffan, ou al-malfouf bil-kafn, mais ne dormait pas. Je vous donne une référence, si vous voulez vraiment plus de détails. Là, on résume, les frères. On ne peut pas tout traduire et tout expliquer, tous les détails, tout ce que les ulama ont dit, tout ce qu'ils ont, hein, tous les fawaid qu'ils ont pris de ce hadith. Mais c'est le Kawkab al-Wahhaj, explication de l'authentique de l'imam musulman par l'imam, par Sheikh al-Ethiopie al-Harari, volume 23, qui n'est pas le Sheikh Mohammed ibn Adam al-Ethiopie, qui est un autre Sheikh. Volume 23, page 327. Donc je répète, qui s'était enveloppé de son tissu. Et Moussa le salua, lui fit le salam. Alors là, une grande explication de l'ulama par rapport à la parole de Khadir qui lui dit alors, y a-t-il sur tes terres le salam? D'accord? Moussa dit, alors je suis Moussa. Il dit alors, le Moussa des fils d'Israël? Vous avez maintenant la réponse, hein? Il dit, oui. Il Moussa dit, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? Il dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi, ô Moussa. Je suis sur une science venant d'Allah qu'il m'a apprise et que toi tu ne connais pas. Et toi tu es sur une science qu'il t'a apprise et que je ne connais pas. Vous avez compris la réponse à ce qu'on a dit tout à l'heure? Ça ne veut pas dire que le Khadir, il est plus savant que Moussa dans l'absolu. Et donc ils partirent tous deux, vous voyez ici, les deux. Or que Cheikh Mohsen Abed dit que Yusha ibn Nun était toujours avec lui sur le bord de mer sans qu'aucun des deux n'ait un bateau. Un bateau passa près d'eux et ils leur parlèrent afin qu'ils les prennent tous deux avec eux. Et le Khadir fut reconnu. Ils ont reconnu le Khadir en fait. Et ils furent donc pris tous deux sans Nauf. C'est quoi le mot qu'on a utilisé tout à l'heure? Naul, pardon. C'est quoi? C'est Al-Udra, sans rémunération. Un moineau vint alors et suivait l'extrémité du bateau. Et le moineau picora une fois ou deux dans la mer, et le Khadir dit alors, ô Moussa, ma science est ta science. N'ont diminué la science d'Allah que comme le picorement dans la mer. Et le Khadir alla vers une planche parmi les planches du bateau et la retira. C'est-à-dire qu'il a, il y a quoi? Il a ébréché le bateau. Moussa dit alors, des gens qui nous ont pris sans rémunération en échange, et tu vas vers leur bateau, et tu y fais une brèche afin de faire couler les gens de ce bateau. Il dit, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Il, c'est-à-dire Moussa, dit, ne t'en prends pas à moi pour un oubli de ma part. C'est-à-dire que la première, c'est un oubli. D'accord? Hein? De ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Regardez la précision des ulama. Qui sait me dire ici dans la phrase en arabe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Comment il a dit en arabe? Non, n'ai-je pas dit, c'est très important ça. N'ai-je pas dit. Non? Non, ça commence par quelque chose d'autre. Alam? Ah, et puis? Alam Aqul? Voilà. Plus loin, qu'est-ce qu'il va dire? Alam Aqul Laka. Et voilà, les ulama ont expliqué, ça, ils ont mis une précision. C'est pour montrer qu'il y a un degré supérieur dans ce qu'il a dit ici. Regardez les ulama comment ils sont précis. Donc je répète, ne t'en prends pas moi pour un oubli de ma part et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Et donc ce fut le premier oubli de Moussa alayhi salam. Et donc ils partirent tous les deux. Et voici qu'un enfant, Cheikh Mohsen Abed, il dit qu'ils étaient sur le bord de la mer maintenant, ils marchent, ils voient un enfant qui joue avec d'autres enfants. Et Al-Khadir prit sa tête par le dessus et le décapita, c'est-à-dire qu'il lui retira la tête de son corps. Cheikh Mohsen Abed, il dit que, en fait, il a commencé avec un couteau, puis il a fini à la main. Il a tiré la tête et l'a sorti de son corps. Donc, c'est-à-dire qu'il a tué l'enfant. Moussa dit alors, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Il dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience? Regardez là, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? La première, c'est, n'ai-je pas dit? Maintenant, c'est, alam aqul laka, innaka lan tastati' ma'i sabra. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Il ici, vous voyez qu'il y a une parole qui est mise, mais pas en gras, ça. C'est une parole de Bi'une ibn Uyayna. Il dit, et celle-ci est plus forte que la première. La première, c'était quoi? Non, la première, c'était qu'est-ce qui s'est passé au début? Il y a trois événements là qui se passent. Et après, là, on, hein, c'est quoi là, par rapport au premier? Non. D'accord. Donc ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de l'écrouler, de s'écrouler, et l'homme le redressa de sa, main. D'accord. Alors Moussa lui dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi. C'est qui a dit ceci marque la séparation entre toi et moi? C'est le Khadir. Le prophète, regardez la fin du hadith, le prophète s'en dit alors, qu'Allah fasse miséricorde à Moussa, nous aurions voulu qu'il patiente afin qu'il, c'est-à-dire qui il, Allah, nous raconte leur affaire à tous deux. D'accord? Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Bukhari numéro 122 et Muslim numéro 2380. Encore une fois, ce sera peut-être intéressant d'aller voir maintenant à la lumière du cours qu'on a vu, voir un peu plus en détail, de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, etc. D'accord? D'ailleurs, il y a un volume qui a été édité, c'est Tafsir sur le Kahf de Cheikh Mahmoud ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. On continue. ولم يخرج الخليل عن شريعة موسى عليه السلام لأن موسى كان مبعوثا إلى قومه خاصة وكان الخليل نبيا يوحى إليه ولم يكن من قوم موسى وقد جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. الحديث متفق عليه. Et d'ailleurs, il y a tout le hadith dans son entièreté en bas de page. فالخضر لم يكن من قوم موسى عليه الصلاة والسلام فما لزمته دعوة موسى عليه الصلاة والسلام فلم يخرج الخضر أصلا عن دعوة موسى عليه السلام. والخضر كان نبيا يوحى إليه فإن الآيات القرآنية تشير إلى ذلك فقد أوحي إليه بخبر الغلام وأوحي إليه بخبر أصحاب السفينة وأوحي إليه بخبر الجدار ونص على ذلك فقال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فلا يسع أحد ما وسع الخضر عليه الصلاة والسلام مع موسى عليه السلام لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس كافة وشريعة موسى لقومه خاصة فلم يشمل الخضر فلم يدخل الخضر تحت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام قال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et le Khadir n'est pas sorti de la législation de Moussa alayhi salam, car Moussa avait été envoyé à son peuple de manière spécifique, et le Khadir était un prophète qui recevait la révélation et ne faisait pas partie du peuple de Moussa alayhi salam. Et il a été rapporté dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, car il les agrée tous deux, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, cinq choses m'ont été données qui n'ont été données à aucun prophète avant moi, et parmi les cinq choses qui ont été citées, le hadith est dans son entièreté, en bas de page, et le prophète était envoyé à son peuple de manière spécifique, et j'ai été envoyé à tous les gens. Rapporté par le Bukhari 438 et Muslim 521. Et donc, Al-Khadir ne faisait pas partie du peuple de Moussa alayhi salam, et donc le prêche de Moussa ne lui était pas obligatoire, et donc Al-Khadir n'est pas sorti à la base déjà, il n'est pas sorti du prêche de Moussa alayhi salam, aslan. Et Al-Khadir était un prophète qui recevait la révélation, car les versets coraniques indiquent cela, car il a reçu la révélation au sujet de l'enfant, et il a reçu la révélation au sujet des gens du bateau. D'ailleurs, on n'a pas cité la raison pour qu'il a tué l'enfant. D'accord? Le Coran, il est clair à ce niveau-là. Retourner au tafsir par exemple de Surat Kahf de Cheikh Al-Uthaymin ou de Cheikh Sa'di et d'autres savants salafis. Et il a reçu la révélation au sujet des gens du bateau, et il a reçu la révélation au sujet de l'information concernant le mur. Et il a stipulé cela lorsqu'il a dit, selon la traduction du sens est, je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef, Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Surat al-Kahf, verset 82. Et donc, il n'est permis à personne ce qui fut permis à Al-Khadir alayhi salam, avec Moussa alayhi salam, car la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est globale pour tous, pour tous les gens, alors que la législation de Moussa était spécifique à son peuple. Et il n'a donc pas englobé Al-Khadir. Et donc, Al-Khadir n'entrait pas sous le prêche de Moussa alayhi salam. Allah le traduit selon la traduction du sens est, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surat Ali Imran, verset 85, et c'est la fin de l'explication du 9e annulatif. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.